belle découverte, 18h-18h30. Bonjour à tous et bienvenue dans La Belle Découverte, il est 18h et on est ensemble jusqu'à 18h30. Aujourd'hui on va vous parler de Octave Mines, c'est un duo, on va dire ça comme ça. C'est Boys Noize et Chilly Gonzalez, le pianiste, qui nous propose un album qui s'appelle Octave Mines. C'est sorti sur le label de Boys Noize Records. Et puis on va s'écouter ça tout de suite maintenant, mais avant ça, ce serait bien de faire un petit topo sur les deux protagonistes et en l'occurrence Chilly Gonzalez. Octave Mines, c'est l'histoire d'une rencontre, une rencontre donc entre deux hommes, deux styles, deux générations complètement différentes qui vont donner un album complètement étrange avec deux influences différentes et qui donne une musique très particulière. C'est l'histoire d'un musicien, donc Chilly Gonzalez, qui est un pianiste plus exactement. Il est né en 1972 à Montréal, donc il est canadien. Son vrai nom dans la vie, c'est Jason Beck, et Gonzalez, c'est son nom de scène parce qu'une fois dans la rue, quelqu'un l'a surnommé Chilly Gonzalez et donc il s'est dit je vais prendre ça comme nom de scène. Dès son plus jeune âge, il s'est tourné vers le piano, c'est venu par ses parents d'abord, et il a commencé très vite à lui-même créer ses propres morceaux, ses propres créations musicales. Il a notamment travaillé pour des courts-métrages à Hollywood, puisque son frère habitait à Los Angeles. En 1998, il part pour Berlin, où il va rencontrer donc la scène électro qui est très importante, très réputée, à Berlin. Il était aussi MC dans des boîtes, et il s'amusait à avoir un personnage un petit peu fantasque, qui portait des costumes un peu bizarroïdes, avec une musique un petit peu très étrange. Ça a l'air d'être un drôle de gaillard. Ouais, c'est quelqu'un. C'est qu'elle semble très étrange et il a un talent fou. Il est pianiste, il fait du hip-hop, il fait du rap, il s'intéresse à la scène électro. Pour lui, la musique, c'est vraiment une quête, c'est un tout. Il va essayer de chercher plein de sensibilités différentes. Il reste pas cantonné dans un seul style, parce qu'on pourrait penser que c'est juste un pianiste classique, mais il est bien plus que ça. Donc il va ensuite aller à Paris où il va jouer les arrangeurs pour de nombreux artistes comme Jane Birkin ou Christophe Willem ou encore Tequila Tex. Je sais pas si vous sonnez de Tequila Tex. Non, mais alors je suis très étonné qu'il était arrangeur pour Jane Birkin ou Christophe Willem. Bon, Tequila Tex c'est quand même TTC, hein, on peut pas l'oublier celui-là. Oui, oui, c'est TTC le chanteur. Voilà, donc il est complètement éclectique dans ses participations. Donc il aide aussi bien Jane Birkin que aussi Charles Aznavour par exemple. Enfin, c'est tellement un as de la musique qu'il peut arranger des choses pour à peu près tous les artistes possible, imaginable, de la chanson française, de la variété française typique à l'électro la plus pure et la plus stricte, comme ça va être le cas notamment avec Boys Noize sur l'album dont on parle aujourd'hui. Et il va aussi coproduire le premier album de la chanteuse Feist. Sa quête musicale se poursuit en 2004 quand il signera un nouvel album solo piano qui sera entièrement musical. Là, il va revenir vraiment à la base de ce qu'il sait faire, à savoir du piano. Ça ressemble, pour ceux qui connaissent, à Eric Satie et Philippe Glass notamment. Et sur cet album figure notamment un titre qui s'appelle Gogol. Alors ça n'a peut-être un rapport aussi avec son personnage, je ne sais pas. Je ne me permettrai pas de faire des commentaires là-dessus. Et je suis sûr que vous allez reconnaître, on écoute tout de suite un extrait. Alors du coup, ça c'était la chanson Gogol de Gonzalez. Les initiés reconnaîtront la publicité auquel cette musique se réfère. Par la suite, il va continuer de produire, d'arranger et de composer pour les plus grands, par exemple Daft Punk. Hein, il a travaillé avec eux sur leur dernier album, Random Access Memories. Il a fait avec eux le titre Within. Et dans ses concerts, il a notamment travaillé avec Thomas Bangalter, qui est un des deux du duo des Daft Punk. Et il travaille beaucoup avec les artistes électro. Il avait déjà travaillé avec Boys Noize en 2009 sur un album. Il va aussi faire du cinéma dans le biopic sur Serge Gainsbourg. C'est lui qui va doubler Eric Elmosino sur les scènes de piano. Dès qu'il y a un focus sur les mains dans le film de Serge Gainsbourg, en fait c'est Gonzalez qui est en train de jouer réellement les scènes. On pourrait presque dire même qu'il est acteur, hein, tellement il est multicarte comme gars. Dans ses concerts, on se rend compte que c'est un vrai showman, hein. C'est un pianiste de formation certes, mais quand il est sur scène c'est incroyable. Il fait un vrai one man show, il est drôle, on voit qu'il a du talent. Il fait du rap sur scène, il fait venir des gens sur scène, c'est un vrai showman. Ouais, c'est vraiment un artiste qui démultiplie les facettes de son art, à savoir le piano, et qui va pas juste le cantonner dans un style classique, et qui va en faire quelque chose de beaucoup plus étendu en faisant de la musique électronique quand il va par exemple faire des duos avec Thomas Bangalter, du rap quand il va faire sur scène, il fait aussi du rap lui, parce qu'il fait également partie d'un groupe de hip-hop qui s'appelle Puppet Mastaz. Non! Ah ouais? Gonzalez fait partie de Puppet Mastaz? Oui, tiens donc. T'es sérieux? Oui. Wow. Merde. Moi j'apprends quelque chose aussi. Ça, c'est totalement dingue, j'aurais jamais imaginé que Gonzalez fasse partie de Puppet Mastas, mais en même temps c'est vrai qu'il rappe super bien le mec. Et il rappe super bien, on le voit en concert d'ailleurs si vous allez le voir, il est très axé hip-hop, ses premiers albums par exemple étaient très axés sur la pop et le hip-hop, enfin des choses complètement différentes du classique. C'est vraiment un artiste complet, fantasque, il faut le voir sur scène, c'est exceptionnel, il se ramène avec un peignoir, ses pantoufles et sa transpiration, il a les mèches qui pendent dans tous les sens, quand il joue on a l'impression qu'il est complètement en transe. Conclusion, Gonzalez c'est vraiment un artiste inclassable, qui casse tous les codes, tout en jouant avec, hein, parce qu'il a quand même été enregistré sur des majors, il gagne beaucoup d'argent avec ses albums, mais lui-même le dit, c'est pas ce qu'il fait kiffer le plus dans la musique, ce qu'il veut c'est s'amuser avec son instrument, et pas forcément faire du chiffre avec les ventes de disques, et d'ailleurs il prend pas forcément beaucoup de plaisir à faire des disques, il prend beaucoup plus de plaisir à jouer en concert, développer toutes les possibilités qu'offre l'instrument piano, et il suffit de le voir sur scène, hein, pour comprendre que ses concerts sont des véritables one man show qui mènent talent, humour, qui présentent au public tout ce qu'un piano peut apporter à la musique, et pas seulement de la musique classique, loin de là. On le voit d'ailleurs avec le titre You Can Dance qu'il a sorti en 2010 sur son album Ivory Tower, qu'il a produit sur son propre label Gentle Sweat. C'était en 2010. Ivory Tower, the electro piano universe. You can dance, you can dance, you can dance. La belle découverte, 18h-18h30. L'autre protagoniste de cet album Octave Minds, c'est Boys Noize. Alors pourquoi on l'appelle Boys Noize, je ne sais pas, mais dans tous les cas on va vous faire une brève description et c'est encore Elian qui s'y colle. Oui, pour une collaboration, bien évidemment il faut au moins deux personnes, et donc c'est avec Boys Noize que Gonzalez a choisi de collaborer pour cet album qui est une production complètement originale. C'est vraiment une rencontre chimique avec un artiste qui est purement électro pour le coup. Boys Noize c'est vraiment de l'électro pur et simple. De son vrai nom, Alexander Rida, c'est un producteur et DJ allemand qui s'est fait connaître au début des années 2000, comme c'est souvent le cas, c'est en remixant des titres de rappeurs ou de DJ de l'époque qu'il a commencé à se faire connaître. Et il a fondé son propre label en 2005, Boys Noize Records, sur lequel d'ailleurs est produit Octave Mines. Et il produira ensuite une musique qu'on pourrait qualifier d'assez hard dans l'électro pour les non-initiés. Et il va sortir trois albums, Oi Oi Oi en 2007, Power en 2009 et Out of the Black en 2012, sur lequel il fera notamment un duo avec Snoop Dogg. C'est donc un DJ, un artiste de musique électro largement connu et reconnu dans la profession, qui est aujourd'hui probablement un des artistes allemands les plus connus à l'international. Et tout de suite, pour un petit peu se faire une idée du style de Boys Noize, on va s'écouter End Down, qui est un extrait de son premier album, Oi Oi Oi, qui était sorti en 2007. Voilà, vous venez d'écouter End Down, une chanson de Boys Noize, qui a la particularité de figurer sur le jeu vidéo GTA 4, pour ceux qui auront reconnu. Voilà, ça c'était ma petite anecdote personnelle. Toi, tu en as bien plus que ça à nous raconter, Alex, donc dis-nous tout. Boys Noize a fait pas mal de featuring, comme Elian nous l'a souligné, notamment avec Snoop Dogg, mais aussi avec les Black Eyed Peas, plus connu aussi Skrillex. Ah ouais. Sous le pseudo donc de Dog Blood. Ah ouais, il a un pseudonyme. Ouais, un pseudonyme, ils ont pas voulu en fait mettre leur propre nom. Bon, après faut savoir aussi que Boys Noize c'est un grand fan de Théo Paris, c'est un producteur aussi, ouais. Son électronique qui a des sons un peu bizarroïdes, c'est très original. Je vais pas m'avancer à le classer parce qu'il est, je pense qu'il est inclassable. Donc il a subi quand même ses influences et puis de Kraftwerk forcément. Mais faut savoir aussi qu'il est lié à bon nombre de producteurs français hein, dont Mr Oizo, Strip Steve aussi, ça qui est un peu moins connu, c'est plus dans le label indépendant. Pareil que les petits pilous, Headbanger, classique. Fin 2014, début 2015, ils ont quand même sorti des EP vraiment intéressants de Scientist, notamment. Ils ont fait un nouveau single de Peaches. Là, tu parles de Boys Noize en tant que producteur, il a sorti The Scientist et Peaches. Peaches, d'ailleurs, qui a travaillé avec Chili Gonzalez. Tout est connecté, ouais. Pour la petite anecdote aussi, Elian nous parlait tout à l'heure donc de l'album Out of the Black. Boys Noize ne travaille que la nuit. Ah ouais ? Travaille que la nuit. Il a appelé cet album-là Out of the Black parce qu'il y a une expression anglaise qui s'appelle Out of the Blue, qui veut dire donc sorti de nulle part. Pour le coup, pour faire référence un peu à son travail, il a appelé Out of the Black. Le prochain concert, il a lieu en France et c'est le 2 mai. Ils sont entourés de sacrés artistes. C'est à l'Électrique au Parc des Expos de Versailles. Donc Boys Noize en tête d'affiche avec Parawan, Pedro Winter, Buzzy P, Scientist, Housemeister, Tifa, Strip Steve, DJ Fields et DJ Tronic. Et ça c'est cool. Ouais. Et tous ces DJ qui aiment bien se remixer entre eux aussi. Hein. Par exemple, Parawan avait été un des premiers remixes de Boys Noize à l'époque où il a commencé à se faire connaître. Quoi. Donc tout est lié. Quoi. Et là, ça va être un show monumental. Donc ça, c'est le côté électro évidemment de ce qu'on va entendre sur Octave Mines. Juste quelques petites anecdotes, évidemment, pour le côté pianistique, si on peut dire comme ça, de Gonzalez. Chili Gonzalez, il est au Guinness Book des Records. Il est à la tête donc, du concert le plus long. Concert de 27 heures. 27 heures de concert. Ouais. Rappelez-vous bien quand même que dans une journée de 24 heures, vous dormez. Bah lui, non. Et ça s'est passé à Paris d'ailleurs. C'était tout un petit théâtre au Ciné 13, je crois. Ouais. Humide, des pieds jusqu'à la tête. Ah oui. Et pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'on a une explication? C'était un but perso? Tout à fait. C'était pour passer à autre chose. C'était une totale introspection. Et au niveau des actualités, Elian, tu m'as fait comprendre qu'il allait sortir un album? Oui, tout à fait. Il a sorti Octave Mines il y a pas longtemps avec Boys Noize, mais en solo, il va relancer un nouvel album. Ça sera pour mars 2015. L'album va s'appeler Chambers. Et en fait, l'idée, ça va être de réinventer la musique de chambre. Et là, il va plus seulement y avoir un piano, mais aussi des cordes. Et pour l'instant, on a eu juste un petit teaser sur les réseaux sociaux. Et ça s'annonce encore assez fantasque et assez fou. Enfin, ça nous étonne assez peu de la part de Gonzalez. Il a aussi produit ça sur son label. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'écoute un premier titre justement de l'album Octave Mines, parce qu'on a parlé des deux protagonistes, mais il est l'heure d'écouter ce que ça donne une fois ensemble, et je vous propose la chanson Royalty. « La belle découverte, 18h-18h30. Nous revoilà dans La Belle Découverte, on est ensemble évidemment jusqu'à 18h30 et on vient d'écouter la chanson Royalty de l'album Octave Minds où on retrouve Boys Noize et Chilly Gonzalez. Alors il y a quelques petites choses qu'on a pu noter au niveau musical, hein, c'est moi qui vais remplacer Anthony, ce sera un peu moins de bonne qualité. Mais quand même, je sais pas si vous avez remarqué que pour une chanson qui s'appelle Royalty, il y a quand même une petite introduction en tambour de guerre qui est assez intéressante à noter. J'ai noté ça et on voit le travail de rythmique un petit peu là-dessus de Gonzalez, le musicien de formation qui va vraiment travailler sur l'aspect assez théorique du rythme et de la musique. Et par-dessus, l'aspect plus électronique de Boys Noize, il y a les deux qui se mélangent très bien en fait. Ça commence de manière un petit peu traditionnelle avec des instruments traditionnels. Et puis il y a le côté guerrier qui revient en force sur cette chanson, à peu près en milieu de chanson avec Boys Noize qui impose un petit peu ses sons à lui. Alors moi j'ai noté aussi quelque chose qui m'a un petit peu étonné, c'est les parties basses. En fait, si vous voulez, vous entendez les basses qui appuient sur les tonalités principales, sauf qu'elles sont quasiment inaudibles. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont choisi ça, mais le placement d'une infrabasse, c'est assez sympa quand on arrive à le remarquer. Il y a un truc que j'ai remarqué, je voulais savoir si vous aviez deviné quel était l'instrument qui était utilisé au tout début, juste après l'arrivée du tambour de guerre, tambour de batterie, de la caisse claire quoi. Est-ce que vous avez trouvé quel était l'instrument aux sonorités un petit peu harmonica, un petit peu accordéon qui était utilisé? Aucune idée, non. Un bandoneon, je sais pas. Non, j'y ai pensé aussi, mais c'est ni un concertina ni un bandoneon, c'est un melodica. Vous savez, le piano tout pourri dans lequel vous soufflez par un tube pour sortir des sons. Et je trouvais ça assez marrant, vu le potentiel de matos qu'ils ont, d'utiliser un melodica, l'instrument le moins cher et le plus facile. Ouais, mais on est là encore sur l'idée un petit peu expérimentale d'essayer des choses, en fait, de voir tout ce que la musique peut offrir. Et Gonzalez, c'est vraiment bien le genre de mec qui est assez taré pour se dire on va faire un album avec un melodica. Après, je pense que ça peut offrir aussi une dimension plus riche, quoi. C'est des sons qu'on a peut-être pas forcément assez exploités. Dans le reggae, c'est fréquent, mais ailleurs, c'est vrai que le melodica, voilà, c'est très rare. Et il essaye de casser les codes, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit un petit peu aussi dans le deuxième extrait qu'on va écouter. On voit qu'il essaye de casser les codes du rap, hein. Il a aussi fait ça à sa grande époque quand il était MC. Il était fantasme parce qu'il se moquait un petit peu du stéréotype du MC ou d'un rap que je qualifierais de rap gourmette et champagne shower pour caricaturer. Et il essayait de se défaire de ça en essayant de montrer que le rap, comme le piano, bah c'est beaucoup plus que ce qui est montré dans les médias. Je suis d'accord avec toi. Et c'est assez marrant puisque c'est vrai qu'il est MC également, mais il a préféré inviter un rappeur pour l'une des chansons de l'album Octave Minds. D'ailleurs, c'est la seule avec du chant. On écoute tout de suite Tap Dance. One foot in the door, one foot in the grave. One stepped on the floor, two stepped out the way. Two glares up at one, what you wanna say? One stares back at two, two is unafraid. Two steps up the stair, two steps out the way. One smiles back at two, now this shit's a race. Now they're skipping steps, reps just get replaced. One, two, one, one trip, something's in the way. Tap dance, syncope, woo. Tap dance, syncope, simulate. Straight into intimidate wink. Tapping. Innovate, indicate, strategize, and you kiss indicate. One is ashamed, crushed, ready to run back. Two looks to one, like, listen for once. That fall ain't your fault, dog. That was just one step. Always a tall wall, ladders and small steps. That's where you got me. Leap, shuffle, ball, step. We gon' play leapfrog, paradiddle, rap. Paradiddle, rap. Single double, step. One, two, one, two, one, two. Voilà, c'était Tap Dance, la chanson de Octave Mines, donc Boys Noize et Chilly Gonzalez. Les actus pour Chilly Gonzalez, c'est quoi? Alors, il sera les prochains concerts, donc c'est du 24 au 26 mars au Philharmonie de Paris avec Kaiser Car Quartet. Et dans ce label découverte, on ne voulait surtout pas passer à côté de la sortie d'un single qui s'appelle Warning. C'est King Porter Stomp qui porte ce projet. Alors King Porter Stomp, vous le savez peut-être, c'est une fanfare avec un chanteur hip-hop, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais on va vous faire écouter pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Et c'est Anthony qui nous fait un petit topo juste avant pour qu'on sache un petit peu à quoi s'attendre sur King Porter Stomp avec la chanson Warning. Alors encore une fois, je vais surtout m'intéresser à la section cuivre, parce que sinon ça reste du grand classique avec guitare, basse, etc. Donc la section cuivre, elle est composée de 4 trombones, 4 trompettes et 3 saxophones, ténors. La particularité, c'est que forcément, ces 3 familles d'instruments vont créer le support harmonique et les accords qui vont soutenir tout le reste du groupe. Donc des parallélismes à la tierce, à la quinte ou à l'octave. La présence de quelques accords très dissonants, mais dans le bon sens du terme, qui crée une vraie tension quand on retrouve un accord consonant et qui va bien. Donc, Juste pour qu'on comprenne tous la différence entre accord dissonant et consonant. Alors un accord consonant, ça va être l'accord classique, une fondamentale, une tierce et une quinte. Un accord dissonant, ça va être un accord avec ces 3 notes-là, ou pas d'ailleurs, mais avec des secondes ou des quartes ou des intervalles qui vont être plus tendus en fait. Et quand on parle de tierce, ça veut dire simplement qu'on est 3 demi-tons par rapport à la note qu'on a définie. 3 notes au-dessus en fait. Par rapport à un do, on va compter do, ré et mi sera la tierce. Et pour la quinte, c'est 5, donc do, ré, mi, fa, sol sera la quinte. Voilà, et quand on a une tierce et une quinte, on a donc un accord. Un accord parfait. Ça s'appelle comme ça, c'est un accord parfait, donc un accord qui est très consonant. Et c'est des accords qui, nous, à l'oreille, on en a l'habitude, donc qui nous parlent en fait. D'accord. Et là, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ils se sont amusés à mettre des notes un petit peu particulières. Ouais, des notes particulières, déjà peut-être des notes étrangères à l'accord en lui-même, puisque j'ai parlé de fondamentale de tierce et de quinte. Et par exemple, par rapport à un do, si on met un ré, qui est la seconde par rapport à do, ça va tout de suite frotter plus l'oreille, du coup ça va créer une espèce de tension musicale qui va se résoudre quand le ré va devenir mi ou quand le ré va redevenir do en fait. Du coup on disait qu'il y avait des accords donc dissonants qui sont voulus puisque oui. c'est un choix artistique. Toute la musique est construite comme ça depuis toujours, c'est que il faut créer une tension pour ensuite créer une détente et c'est cette alternance de tension et de détente qui est très intéressante et qui va être surprenante en fait. Effectivement la dissonance n'est pas toujours péjorative, il y en a qui font pas exprès de mettre des dissonances et là c'est gênant, mais quand c'est bien fait c'est très joli. Ils ont utilisé cette technique-là, alors sur cette chanson-là en particulier. C'est vrai que ça se prête assez bien à la musique dub, assez lente, assez fournie. Dans ce genre de musique, on prend vraiment le temps d'écouter ce qui se passe et on n'est pas sur une dynamique où on s'attarde au texte ou alors on va dans les festivités. C'est assez cohérent de faire ça là-dessus. Moi, ce que je regrettais un petit peu par rapport à toute cette grosse section cuivre qui comporte quand même 11 instruments, c'est que justement, on avait 3 familles d'instruments, mais par exemple, les 4 trombones, tous les 4 faisaient la même chose. Les 4 trompettes, toutes les 4 faisaient la même chose, et les 3 saxophones, pareil. Et là, pour le coup, sur ces accords-là, ils se divisent un peu, ils font plus tous les mêmes notes, et c'est aussi ça qui est intéressant. Pourquoi mettre, à part pour la puissance, mettre 4 trombones, 4 trompettes et 3 saxophones, si c'est pour qu'ils fassent la même chose du début à la fin ensemble, en fait? Aucune idée, très honnêtement, mais ça nous empêchera pas d'écouter justement King Porter Stomp avec la chanson Warning qui est sortie en single et qui est disponible en téléchargement légal. Consider this a warning, warning. Consider this a warning, warning, yeah. Consider this a warning, warning. Consider this a warning, warning, yeah. Got some towers, smoking mirrors. mirrors on the gun strap, no mass confusion. Stirred up the hate on both sides, spoon-fed is their conclusion. Clouds of terror holds the reins, let's see through that stormy mist. We know that corporate pound and dollar seems to fund them, they mask the truth and wave the flag. Now who falls into the lineup? News time keeps us in the dark. We're about to light those lies up to keep a safer database, turning into a police state. DNA, retinal scans, ID barcodes put in place. When a government states for liberty, freedom must be freely given. Got us stuck in doublethink while they're monitoring how we're living. It's already been written, Orwellian, are you citizens or foe? Meanwhile they're telling us new facts to the things we think we used to know. Step back, open your eyes and take a breather. Get a little power so your foot comes on our wheel. Something had to be done, but the way they did it was it for the right reason. Oh no, was in retaliation for the information given and to cut the wrong nation. Cause we gotta be the ones that stand up strong. Consider this a warning, warning. Consider this a warning, warning. Eh ben écoutez, nous on va devoir vous laisser puisque c'est la fin de cette émission et on approche de 18h30. On vous laisse avec Sous toutes les cultures, c'est Aurélie qui vous présente ça comme chaque mercredi. Ensuite il y a Archiphonique avec Romain et on se retrouve pour le menu étudiant. D'ici là n'hésitez pas, si vous voulez réécouter cette émission, www.fadjet.net pour trouver le podcast. Sinon vous la retrouverez aussi sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre sur Label comme un label, Découverte comme une découverte. Et puis elle sera rediffusée le 11 mars. Ciao, bonne soirée. Salut. Salut.